Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. Au microphone, Danny Veilleux. Ben, les Saguenay de Chicoutimi ont remporté une victoire de 4 à 3 contre les Remparts de Québec hier. Un premier match de 2 buts dans la Ligue de hockey junior du Québec pour Jérémy Fortin de Dolboom-Sessigny. A noter que Charles Tremblay a été blanchi dans cette rencontre. Et vendredi soir, défaite des Sags 6 à 1 contre les Tigres de Victoriaville. On surveille également les Huskies de Rouyn-Noranda qui ont défait les Olympiques de Gatineau 3 à 1. Ligue nord-américaine de hockey, les Marquis de Jonquin ont gagné facilement 8 à 3 sur les Éperviers de Sorel. Alexandre Kennel et Hugo Carpentier ont compté chacun un but et amassé 2 passes. Et vendredi, défaite des Marquis 6 à 5 contre Rivière-du-Loup. James Desmarais a marqué 2 buts et amassé une passe dans cette partie. Les Éperviers de Normandais ont joué à 2 reprises en fin de semaine. Ils ont gagné 7 à 1 sur les Sabres de Robertval. Et ils ont gagné également 5 à 2 également hier contre les Marquis de Jonquière. Le Marcos Pop de Saint-Félicien ont joué à 2 reprises au cours du week-end. Ils ont gagné 5 à 4 contre les ambassadeurs de Chougamau et ils ont perdu 2 à 1 toujours contre ces mêmes ambassadeurs. Maintenant, on va parler du côté de la Ligue Midget Régionale toujours. Les Marquis de Jonquière ont gagné 6 à 2 contre les Castors de Dolbeau. Ligue Bantam Régionale, les Rapides de Boumsessi ont vaincu les Marquis de Jonquière 6 à 5 et les Saguenay de Chicoutimi ont gagné 5 à 0 sur les Hurricanes de Mastouillache. Le sport local et régional à danradiosport.com, la référence du sport, on s'en occupe.